s'appelle Amélie, elle est serveuse à Belvin, et c'est elle la plus jolie, et c'est elle qui met le vin. Quand les gars se mettent à table, ils la regardent faire. Amélie est si aimable qu'on ne peut que se taire. Lorsqu'Amélie Mélo, il y a tout Amélie Mélo, de marin, de docker, de punk, de rocker. Lorsqu'Amélie Mélo, c'est tout Amélie Mélo. Lorsqu'Amélie Mélo, il y a tout Amélie Mélo, de gars, de séducteur, qui courtise son cœur. Lorsqu'Amélie Mélo, c'est tout Amélie Mélo. Le plat que sert Amélie est un plateau de cinéma. Elle fait d'un plat de ravioli l'empire des sens d'Oshima. Le chili con carne devient du Marcel carné. Et dans son addiction, elle en oublie l'addition. Lorsqu'Amélie Mélo, il y a tout Amélie Mélo, de grands films d'auteur, de clap, de moteur. Lorsqu'Amélie Mélo, c'est tout Amélie Mélo. Lorsqu'Amélie Mélo, il y a tout Amélie Mélo, d'images en couleur qui ravissent son cœur. Lorsqu'Amélie Mélo, c'est tout Amélie Mélo. Lorsqu'Amélie Mélo, il y a tout Amélie Mélo, de gens hauts en couleur, des blancs et des noirs. Lorsqu'Amélie Mélo, c'est tout Amélie Mélo. Lorsqu'Amélie Mélo, il y a tout Amélie Mélo, d'images et d'acteurs qui courtisent son cœur. Lorsqu'Amélie Mélo, c'est tout Amélie Mélo.